Chapitre 22. Évasion. Dans la vie de prison, la question de s'évader est constamment à l'ordre du jour. Tous les prisonniers caressent l'espoir de reconquérir leur liberté par force ou par ruse. Mais même parmi les plus audacieux et les plus habiles, il en est peu qui réussissent. Au cours des 3 années que j'ai passées à la Stade Vosité, plusieurs évasions sensationnelles ont eu lieu. Il serait trop long d'en entreprendre ici le récit détaillé. Je ne ferai mention que des cas les plus exceptionnels, comme ceux de messieurs Wallace Edison et Eric Kate, qui s'échappèrent 2 fois du camp de Rue Leben et 1 autre fois de la prison même où j'étais. Au début de la guerre, ces 2 Anglais habitaient l'Allemagne. L'un, M. Edison, était employé à la United Shaw Machinery Company à Francfort. Quant à M. Kate, dont j'ignore quelle fut l'occupation antebellum, il était, si je me rappelle bien, né en Allemagne, de parents anglais. La première évasion de ces 2 prisonniers eut lieu du camp de Rue Leben, à peu près vers le même temps, mais pas exactement au même moment, chacun agissant de sa propre initiative. Mais tous 2 eurent la malchance de tomber entre les mains des gardes prussiennes au moment où ils allaient atteindre la frontière hollandaise. Ramenés à la prison, à Berlin, ils écopèrent d'une sentence de plusieurs mois de cellule. M. Ellison, en particulier, fut 4 mois et demi au secret, et ne pouvant recevoir d'autre nourriture que celle qui était distribuée chaque jour, laquelle consistait en 1 morceau de pain avec les 2 soupes traditionnelles. Malgré les démarches nombreuses qu'ils firent auprès des autorités allemandes pour être de nouveau transférés à Rue Leben, ils durent demeurer à la Stade Vosité, parce qu'ils refusaient de déclarer qu'ils ne feraient plus aucune tentative d'évasion une fois retournés à Rue Leben. Pendant les années 1915 et 1916, ils firent des plaintes nombreuses et adressèrent force requêtes, tant à la commandanture qu'à l'ambassade américaine à Berlin. Tout fut inutile. Au mois de décembre 1916, une évasion longuement et minutieusement préparée fut mise à exécution de la manière la plus habile. On était parvenu à se procurer les services d'un serrurier expert, lui-même prisonnier, qui fabriqua une clé ouvrant la porte qui donnait accès à la rue d'Irxen. Tout avait été prévu. On avait même trouvé moyen d'expédier des vivres au dehors et de les faire déposer à certains endroits, connus seulement des prisonniers qui devaient s'évader. Au moment choisi pour opérer la sortie, 11 prisonniers, tous de nationalité anglaise, se promenaient dans la cour par groupe de 2 ou 3, comme il était permis de le faire chaque jour, entre 5 et 6 heures de l'après-midi. Le portier, dont la cellule est voisine de la porte extérieure, était à ce moment occupé à causer avec un sous-officier. La conversation avait pris visiblement un caractère assez intéressant, et les 2 Allemands semblaient y être absolument absorbés. Ce fut à la faveur de cette distraction du portier que la clé libératrice fut introduite dans la serrure par l'un des 12. Un instant suffit pour ouvrir la porte, et les fugitifs disparurent dans les rues de Berlin. Messieurs Ellison et Kate étaient parmi les fuyards. Ce fut une grande sensation dans la prison lorsque l'on découvrit 15 minutes plus tard que la porte avait été ouverte. Tous les prisonniers furent immédiatement renfermés dans leurs cellules respectives, car c'était là le seul moyen de savoir exactement combien d'internés manquaient à l'appel. L'officier, qui se retirait généralement vers 4 heures de l'après-midi, avait été prévenu par téléphone. Et ça menait en grande hâte, et tout excité. Son premier geste fut de mettre le portier au cachot. On venait de découvrir qu'il manquait 11 Anglais. Le service de la sûreté fut prévenu, et des dépêches furent lancées sur toutes les gares et toutes les frontières d'Allemagne. Le corps entier des policiers et les sentinelles des frontières étaient sur les dents. À notre grand regret, de ces 11 prisonniers évadés, 10 furent repris. Seul M. Gibson réussit à se tenir au large. Quant à messieurs Ellison et Kate, ils ne tombèrent entre les mains des Allemands qu'une 10aine de jours plus tard, après des marches de nuits épuisantes. La température était alors très froide, et on imagine les souffrances que durent endurer ces prisonniers en route vers les frontières des pays neutres. Les 10 prisonniers capturés furent les uns après les autres ramenés à la prison. Les règlements devinrent beaucoup plus sévères, et il ne pouvait être question pour eux de retourner à Rue Leben. Toutefois, vers le mois d'août 1917, une convention avait été conclue entre l'Angleterre et l'Allemagne au sujet du traitement à infliger aux prisonniers divers qui avaient essayé de s'évader. Une des clauses de cet arrangement stipulait que tous les prisonniers coupables de tentatives d'évasion et détenus dans les prisons seraient immédiatement renvoyés dans leurs camps respectifs. Nous avions à peine lu dans les journaux allemands que nous recevions soir et matin les diverses clauses de cet arrangement, que déjà la plupart des prisonniers entrevirent des possibilités nouvelles de conquérir leur liberté. Messieurs Ellison et Kate me prévinrent que ce ne serait pas long, à Rue Leben, avant qu'ils n'entreprissent le voyage de Hollande. En effet, dès le mois de septembre, ils s'échappèrent le même jour du camp de Ruhleben, mais séparément, puis se retrouvèrent dans les rues de Berlin, et cette fois, troisième évasion, parvinrent à passer en Hollande. Une carte postale qui me fut adressée par M. Ellison, de Hollande même, me mit au courant, sans beaucoup de détails naturellement, du succès de son entreprise. Ce fut une réjouissance générale chez tous les prisonniers qui avaient été pendant de si longs mois leurs compagnons de captivité. C'est à Londres, au mois de juillet dernier, 1918, que j'eus l'extrême bonheur de rencontrer messieurs Ellison et Kate, et c'est là également, au cours d'une soirée inoubliable passée ensemble, qu'ils me racontèrent par le menu les péripéties de cette troisième évasion, leur course de Berlin à Brême, de Brême jusqu'à la rivière Ems, puis dans les marécages qui avoisinent la frontière germano-hollandaise, à quelques milles de là, et enfin leur visite à 3 heures du matin chez un paysan hollandais où ils apprirent qu'ils étaient réellement et définitivement sortis d'Allemagne. Rien de plus amusant que d'entendre raconter par ces deux ex-prisonniers les scènes de réjouissance qui eurent lieu dans la maison du paysan hollandais. La brave hollandaise, femme d'une 60aine d'années, s'était levée à cette heure extra-matinale pour souhaiter la bienvenue aux deux héros de la poudre d'escampette. On alluma le poêle, on prépara un plantureux réveillon, à la fin duquel les deux Anglais dansèrent, avec le vieux et la vieille, le cotillon de la délivrance. M. Ellison fait maintenant partie de l'armée anglaise, et M. Kett est dans l'armée américaine. M. Kett m'adressait tout récemment de France une lettre dans laquelle il me disait que, de la façon dont allaient les choses, à cette époque, il comptait pouvoir, avant peu, pénétrer avec une compagnie américaine dans la rue d'Ixen, et ouvrir les portes de cette fameuse prison où lui, tout comme moi, avait été détenu des années. Une autre évasion sensationnelle fut celle d'un Français nommé B. Ce Français, soldat à l'armée, avait été, avec le peloton dont il faisait partie, cerné dès le début de la guerre dans un petit bois près de la frontière française en Belgique. Pour ne pas tomber entre les mains des Allemands, lui et quelques-uns de ses amis s'étaient réfugiés chez des paysans belges, avaient dépouillé l'uniforme et revêtu un habit de civil. M. B. avait tenté de passer en Hollande par le nord. Il fut pris et amené au camp de concentration des Français en Allemagne. Après quelques mois, il parvenait à s'évader de ce camp avec l'uniforme d'un soldat allemand. Il avait même à sa boutonnière le ruban de la croix de fer. Il fut pincé de nouveau et jeté dans une cellule à la prison de Berlin. Il y fut tenu au secret pendant des mois, puis il obtint la permission de circuler, comme nous, dans les divers corridors. Il forma le projet colossal de s'évader par le toit, car il occupait une chambre au cinquième. Les fenêtres des cellules du cinquième sont situées immédiatement sous le toit qui surplombe légèrement, mais n'offre aucune prise à la main. Le plan de notre Français était de scier une des barres de fer de la fenêtre, de sortir par l'étroite ouverture ainsi pratiquée, et de grimper sur le toit. Cette opération, dont je devais être témoin, fut parfaitement exécutée. C'était, il faut l'admettre, un tour de force mirobolant et une véritable réussite d'acrobatie. Dès le matin, j'avais été prévenu par le prisonnier lui-même qu'il allait tenter son évasion vers 11 heures du soir. Alors dites, je me tenais debout sur ma chaise, ayant la tête au niveau de ma fenêtre. Ma cellule se trouvant au même étage que la sienne, je pouvais facilement observer tous les mouvements qu'il faisait au cours de son évasion. La barre de fer, préalablement sciée, fut d'abord écartée de son point d'appui par le bas, ce qui donna l'espace nécessaire pour permettre au prisonnier de sortir. Au moyen d'une serviette solidement attachée aux autres barreaux, il se préservait de toute chute éventuelle qui eût été fatale, puisque sa fenêtre était à 60 pieds au-dessus de la cour inférieure, entièrement pavée. Il s'était fait un point d'appui au moyen d'une petite planchette qu'il avait glissée au sommet de la fenêtre, entre les briques et la barre de fer horizontale, à laquelle sont fixées les barres verticales. Cette planchette faisait saillie d'environ 1 pied en avant du toit. La manœuvre entière était d'un chic incroyable, et ce ne fut pas long avant que, appuyé d'une main sur la planchette, il put de l'autre atteindre et saisir une gouttière qui se trouvait sur le toit à une faible distance du bord. En un instant et par un magnifique élan, il allait rouler dans l'obscurité supérieure. Mais celui qui est sur le toit n'est pas sorti du bois, surtout lorsqu'il s'agit d'un édifice dont les murs ont 75 pieds de hauteur. D'autres Français s'étaient munis d'une corde d'une 60aine de pieds de longueur faite de draps de lit, et d'autres ficelles tirées de droite et de gauche. Il attacha solidement l'une des extrémités de cette corde au paratonnerre et se laissa glisser tout du long du mur, puis tomber le plus doucement possible quand il fut au bout. On ne l'a jamais revu. On n'en a jamais entendu parler. S'il eût été repris quelque part, on n'aurait pas manqué de le ramener à la prison. Nous avons tous été d'accord, y compris l'officier commandant, que cette évasion demeure une des plus renversantes qui soient.